Oh.

Пошел. Пошел. C'est quoi les Frenchies? C'est parce que c'est une question ou... Frenchies, c'est les Français en fait. C'est French. Frenchies. Ça sera mieux. Hop, ça c'est fait. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.